A one, a two, a one, two, a one, two, three, four. Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées sur le 100 FM. Lost in Space à 21h tous les dimanches. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été sage, que vous avez été à l'espace Malraux samedi soir pour voir un bon concert gratuit où il y avait JC Satan, bon c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas grave, où il y avait aussi les légendes locales, les Kryptones et le vraisemblablement meilleur groupe de punk rock de la région qui s'exporte très bien, j'ai cité les Spitters. Et on va donc rester dans une veine un peu punk rock, même si je pense être touché, je ne sais pas si c'est l'âge, par la vague de la nostalgie, vu que dans les 5 prochains morceaux, je ne vais vous passer que des choses que j'ai fréquentées dans mon jeune âge, des gens qui jouaient autour de moi, qui étaient des groupes qui n'ont pour la plupart, voire même aucun n'a percé, mais séquence nostalgie donc pour commencer. Si vous voulez les titres, comme d'habitude, vous retrouvez soit sur la page Facebook de Lost in Space, soit sur la page du site radio-active.net. Allez, c'est parti. We'll be right back. il se glissa dans l'entrebâillement de la porte, c'était un homme corpulent, aux épaules larges, aux joues glabres, avec une petite moustache roussâtre. Il portait au bras un pardessus de couleur beige, roulé en une sorte de manchon et qui cachait ses mains. Il paraissait avoir longtemps marché, ses bottes étaient sales, son pantalon était maculé de boue jusqu'à hauteur des genoux. Ciel bleu, azur, mer de velours. Les mêmes regards, les mêmes histoires, des propagandes, des promotions. J'ai déjà donné, j'ai déjà payé, c'est les idées, c'est les idées. Je t'envoie une carte du pays des ânes. Un baiser salé, un mot en l'air. Un autre crétin, quoi de plus malin, un autre malin. Tu fais le malin, tu n'es qu'un crétin. Tu fais le crétin, tu te crois malin. Rendez-vous à mort de tes consciences en l'air. Une tartine de beurre, s'il vous plaît, dit-il. Madame Puchel se saisit de son couteau sans pour autant se laisser distraire pour l'instant de sa conversation avec la buraliste. Beside the things. province à la hauteur de mes espérances. Chaude ambiance ce soir au 105 pour cette Black Session des Posies. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, sachez que c'est John Auer qui a interprété ce premier titre, Definite Door. Mais de temps à autre, Ken peut chanter aussi, l'autre guitariste du groupe. Il n'y a rien à faire, vous pouvez compter sur moi, je m'en charge. Jacques Rigaud. À l'ouest, toujours à l'ouest, le 18 octobre, 13h, on décolle pour l'Amérique du Sud. 19h, Caracas, minuit, c'est Lima. À 5h du matin, on foule la terre de Santiago du Chili. Nuit pleine de smog au-dessus de nos têtes. 6h, on s'endort, hôtel Monte Carlo. Elvire glisse en rêve sous mes doigts, les 59 jours commencent. Hallo, schönen guten Abend! Wir sind gut drauf, ihr seid gut drauf, wir sind verschnupft. Kalt vor uns, scheißegal! Stellt mir bitte keine Fragen, ihr würdet nicht ein Wort verstehen. Ihr wollt euch nur mich nicht tun, ich weiß selber, was ich seh. Ich weiß selber, was ich seh. weiß genau, wovon ich rede. Eure Meinung passiert mich nicht. Mach mir nichts aus all die Lügen. Ich mach nur, was mir gefällt. Es hat keinen Sinn zu warten. Ich passe nicht in das Klischee. Ich hab keine Illusionen. Ich glaube nur, was ich seh. Was ihr sagt, ist mir egal. Was ihr denkt, ist mir egal. Was ihr wollt, ist mir egal. Scheißegal. Nein, ich bin nicht euer Brust. Ich weiß selber, was ich bin. Ich weiß selber, was ich bin. Was ihr sagt, ist mir egal. Was ihr denkt, ist mir egal. Was ihr wollt, ist mir egal. Scheißegal. Scheißegal. Scheißegal. Scheißegal. Scheißegal. Scheißegal. Listen, Damsel. Yeah.

Le vin on émigre au Residential Londres, 9000 pesos la nuit, style colonial anglo-hispanique, plafond de 5 mètres, salon de boiserie, porte sombre, mur de pastel, marqueterie et sanitaire début de siècle. You think that you want it, are you so sure? This ain't no game we're playing, truly we're pure. You're laughing, but you're lying, you don't understand. My hands, I carry This evil thing was made in heaven. And inspired in hell. Daddy's a sucker. He's wrong. It don't take much strength to pull a trigger, but try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy. Reason why. prophet's sword. Together we must rise to take back what is ours. Now to look to the future, every working man. The time has come, the time is now to make a final stand. Run! A way to live and a way to die. Honor! A time to fight and a reason why. Run! A way to live and a way to die. Honor! A time to fight and a reason why. L'hôtel est au croisement de la Calier Londres et de la Calier Paris. Quartier minuscule en dérive au large d'Alameda, la grande artère axiale, l'artifice de l'architecture est tel qu'on dirait un décor de cinéma. and I can't touch but what I see. And nothing's real but what's around me. Pain and gain, loss and shame, all the same, all the same. Baby, better soon to find turning water into wine. Baby, better walk and lie to the day that you unwind. God, don't love a bitch, love and lie to know herself. On dîne au restaurant panoramique du Foresta, d'où j'attendais l'avion de Paris, il y a tout juste un an. L'impression d'utopie américaine qui m'avait submergé s'empare d'Elvire. On arrive de nulle part et pourtant c'est l'Amérique du Sud qui commence. On a les yeux à hauteur de la cime des arbres du Cerro Santa Lucia. Le soleil se couche avec le goût d'un pisco sour. We'll be right back. not a boat. I figured when they made it drum, they must have broke the mold. The washers moved in rhythm. I saw her look my way. She asked me if I had a dime. I paid her right away. The stars were in the sky tonight, but I was still inside. Let's waste some time inside my car before you close it dry. Is this any way to get things moving? Is this any way to get things moving? I felt the urge to grab her and enjoy her to that point. She knew what I was thinking, she didn't have a chance. Until she bent down over me and threw up on my pants. Laundromat, lover boy. Laundromat, lover boy. Laundromat, lover boy. Wiped them off her chin. She brushed her hair a little. She flashed a stupid grin. You're not the first guy that I met in this here laundromat. Just look outside my doorway. There's no welcome on my mat. Is this any way to get things moving? Is this any way to get things moving? Toute la première semaine, j'interroge le mur des hôtels, la façade des restaurants, le goût de fruits de mer et de glaciers qui émanent des cartes de l'extrême sud, la rumeur de sagas, sels et poussières dans l'immense désert du Nord, la saturation sonore oxydée de carbone des grandes artères desséchées de Santiago. Moteurs et klaxons d'autobus, collectivos Nissan, pick-up Chevrolet, Ford Falcon, 404 Daewoo. Un après-midi, j'observe la végétation luxuriante de Cerro Santa Lucia qui oscille sous une méchante brise de pollution mexicaine. Les passants dans la rue ont presque tous la peau blanche. Je songe aux Indiens à la Calouf de l'île Wellington, disparus comme ce livre que Joseph Emperer leur a consacré, Les Nomades de la Mer. Le mauvais esprit monothéiste Aya Yema est là. La dernière Ona est morte en 66. On peut lire le poème de sa mort dans les guides. Alors que je chante ici, le vent m'emporte sur les traces de ceux qui sont partis. Je peux maintenant me rendre à la montagne du pouvoir. Je suis arrivé aux grandes montagnes du ciel. Le pouvoir de ceux qui sont partis revient à moi. Ceux de l'infini m'ont parlé. Fucking self-righteous, fuck my court, set criminals free. Give me a nice little home up near Conroe, where the neighbors are just like me. But every time I see the uniform, I realize I've had the luck to only read about the latest deeds, and this affair is mine. Fuck! Just when you see them coming, the bad seems to suck. A black man just back from Nam. If folks thought he was a little bit odd, John tonight's promised nurse, always talking about God. Well, a black man running in the evening to a cop is a nigger crook. They had two loaded revolvers, hurt them because they wouldn't take a second look. But ain't just stop building drummer in this goddamn holy book. Duck when you see them coming, such a bad need you suck. And revolvers, cover court transcripts with shit. And if by chance you get found guilty, well, you'll still get away with it. Yeah, the men that killed Joe Torres never went to jail. The sniper that picked up our Hampton never paid any bail. Well, the killers of Milton Glover, they might be pulling you over tonight. And if you happen to get shot, guess you started the fight. Yeah, I guess you started the fight. Well, I guess you started the fight. Bodies are watching black bios. Bibles are full of holes. Killing captain, captain, the criminal. Standing for the heart of his soul. Whether too much counterfeit money, I don't need to pass no buck. Gonna coin me a new slogan. The bad's mean to suck. The bad means you're fucked. The bad means you suck. This is voices, trying to survive. Mais on ne saura pas qui a parlé au malheureux Pedro de Valdivia, le conquistador de Chile, quand les Mapuches l'ont découpé en tranches. Il reste de lui ces merveilleuses cartes postales qui décrivent à Charles Quint les premiers reflets de la terra incognita. De sacrés gaillards les Indiens Mapuches, les cousins sudistes des Apaches d'après Raoul Ruiz. Ils ont régulièrement totémisé du cadavre de Castille sur 3 siècles d'insurrection australe. On en rencontre toujours sur les régions tempérées au sud de Santiago. Thank you. to have a social decline. Time after time, we have sometimes been implied. Life's all hidden from a cash mall. Attraction for any puzzle target flows. My needs are addicted and seen in a commercial prime time. When more I buy, I'm less I'm satisfied. But how many times that it's take my soul left right compromise? Priority to highest less propriety. See, then we got a business supremacy. Being lip on sound, directly dragged down. Raised in a therapy for having a crackdown. I'm merely a spectacle, like a kind of miracle. How the way you should live, what a fucking idea. That would have to appear. Last night, I struck your 69 tone in a trap door. Love could be a salvation storm. Truth to see values bouncing at the wall. So let's turn it off and fuck on them all. Finally what we try to keep up. Await past days, keep inside of a state. What? Mind check, without a chance to rest. Here and there grows the contradicts of society mess. That orders and sons are forced to digest. Disaster of so-called irregular conductor. God bless the benefits of such a holy prosperity. Listen to the little, do the worst for the better. Who say shut up, be the best product of a global failure in the market major. They say shut up, be the best product of a global failure. In a white man nature, I'm merely a spectacle, like a kind of miracle. How the way you should live, what a fucking idea. That would have to appear. Last great thing, I stopped your 69 tone in the trap door. Love could be a salvation storm. Truth to see values bouncing at the wall. So let's start it off and fuck on them all. Dreams unreachable peace. Fortunate soul, are you feeling like home? Wretched the freedom, banished wisdom. There's a war where fail nobody who gets trapped or pressure. Rest to fuck you. I'm merely a spectacle, like a kind of miracle. How the way you should live, what a fucking idea. That would have to appear. Last great night, I stopped your 69 tone in a trap door. Love could be a salvation storm. Values bounce against the wall. So let's turn it off and fuck on them all. Et des voitures, des autobus, surtout des autobus. Le soleil qui passe les nuages de carbone au rayon, des rues piétonnes si encombrées que chacun vous bouscule. Une rumeur d'huile surchauffée d'empanadas de queso sucrées au Coca-Cola. Le bitume qu'on arpente sans plus savoir afin de collecter des tarifs d'autobus, d'avions, de voitures de louage aux deux points cardinaux de ce pays comprimé sur 4000 km. Entre Pacifique et Andes. a bit, my baby's asleep. Please don't moan after 10, he's trying to dream. Always dress him up nice when I take him in his pram. When I've got to keep his ideals, got to keep him clean. Going to be a happy little person in the new world. His face is of a warrior, you can see it in his cot. So darling, you go out and try and start the revolution. Me, I'll just stay back here, look after what we've got. I'm gonna be in two up, two down for them. Change things quickly because the mind's wrong with skids. So all you fellow rebels, you go out and fuck the system. Sorry I can't be with you, but I've got a mind the kid. When baby's 12 years older, what are you gonna do when baby starts to shout? Mummy, mummy, mummy, mummy, where's this new tomorrow? What are you gonna do when baby sucks you out? Yeah. On sort du cataclysme urbain crépusculaire. Il semble possible de tout approcher. Enjamber l'Europe, l'Amérique et même un morceau d'Afrique, pourvu que l'on se jette à corps perdu jusqu'au mirage télégraphique. Un programme d'autobus austral, un jet, un Land Cruiser, El Barco Evangelista jusqu'au fond de Laguna San Rafael et les continents défilent. When you think about it, that you're ondine d'oursin et de machas au mercado, barativo menta frappé. On se couche, on rêve, on essaye de retenir la première impression d'Amérique du Sud. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. Dans les camps de concentration. De cache. Service torture, service mental. Service secret, service fasciste. Sibérie occidentale. Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. Dans le pays sous-développé, la dictature s'est imposée. Les militaires sont au pouvoir. Dans les camps, y'a de bon à voir. Service torture, service nana. Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. This device will make me famous. This device will make me famous. machine. That's right, I do. On est toujours ensemble sur votre rendez-vous punk, rock, musiques expérimentales, Lost in Space. Comme tous les dimanches, il est 23h passées, on vient d'écouter un bon morceau de Big Black. Et c'est l'heure maintenant de changer radicalement de style après plus de 2 heures de musique plutôt rock'n'roll et plutôt bruyante. On va passer maintenant au bizarre, comme d'habitude. Et comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs semaines, nous allons parcourir notre découverte de ce groupe de musique industrielle vraiment fantastique qui s'appelle Club Moral. Et aujourd'hui, c'est une cassette qui s'appelle Greatest Hits. Alors, c'est bien évidemment une plaisanterie parce que je pense pas qu'ils aient eu un seul hit. Mais la cassette s'appelle comme ça et on est parti pour de longues minutes de musique industrielle. Allez, go!